Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Jacques Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Era un intérprete sin par, era un tipo, yo creo que como intérprete no ha habido nadie en el escenario como Brel. Si a Brel era una cosa, en el escenario las canciones duraban 3 minutos y eran una película cada canción. Y los espectáculos de él, los recitales duraban 1 hora. Y no hacía ni un solo bis. Porque no podía, no porque no quisiera. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps. La canción de autor tienen en Brel al mejor tricéfalo, quiero decir, porque era el tipo que era buen compositor, buen autor y buen intérprete. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. La canción de autor viene de la canción francesa. Es decir, Dylan, todos esos tipos, Leonard Cohen, todos reconocen en la canción francesa a la madre patria. Y Brel ha sido probablemente el exponente más completo de la canción francesa. Y a le mot de Cervantes, la folie suprême n'est-elle pas de voir la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait. Se retiró en plena gloria. Se retiró cuando más éxito tenía y mira lo que adujo para retirarse. Dijo que se estaba repitiendo, que estaba dando vueltas sobre lo mismo y que él no se lo podía permitir ni él, ni por él, ni por el público. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Músicos le tenían tanto respeto por Brel, que cuando él se sentía cansado, porque él tuvo un cáncer de pulmón, ¿viste? No tenía, le faltaba aire, no podía cantar, le costaba muchísimo. Entonces el tipo dice, cuando podía cantar, los músicos lo acompañaban. Cuando veían que no podía, hacía una pausa, decimos, hace una pausa de 2 horas, los músicos se quedaban en el estudio. Hacían la pausa, se tomaban algo, qué sé yo, grababan a las 4 de la mañana, cosa que los músicos no hubieran hecho nunca por nadie. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque je veux là. Mon cœur, ne t'emballe pas. C'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous mes mains, restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne vous ouvrez pas, vous mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Chaque retourne en enfer, Mathilde, mais revenue. Bounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, mais revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde, mais revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà.